connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité. Et suis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. L'Éternel est bon et toi, c'est pourquoi il monte au péché sa voix. Il conduit les uns dans la justice. Il enseigne aux uns sa voix. Il enseigne aux uns sa voix. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricordes. Fidélité pour ceux qui gardent son alliance, ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité. Conseille-moi, ô mon Dieu, aie le regard sur moi, conduis-moi, tiens mes mains dans l'innocence, enlève-moi jusqu'au lieu saint, enlève-moi jusqu'au lieu saint. Miséricorde, fidélité pour ceux qui gardent son alliance, ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité. Conseille-moi, ô bon Dieu, aie le regard sur moi, conduis-moi. Tiens mes mains dans l'innocence, enlève-moi jusqu'au lieu saint. Enlève-moi jusqu'au lieu.